Le dirigeant suprême Kim Jong-un a envoyé le 7 courant une couronne mortuaire devant le cercueil de feu la femme professeure et docteur Shin Yong-hae à l'université de technologie Kim Tse en signe de ses profondes condoléances.